France Inter. Bonsoir, dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, 1835, Pierre Rivière, paysan, parricide et écrivain. Exceptionnellement, c'est d'un fait divers que je vais parler ce soir, d'un crime commis sous la monarchie de Juillet. Le 3 juin 1835, au lieu-dit de la Fautrie, dans la commune d'Aunay-sur-Odon, en plein bocage normand, un jeune homme de 20 ans, Pierre Rivière, paysan et fils de paysan, tue à coups de serpe sa mère enceinte de 6 mois, sa sœur Victoire et son frère Jules. Pierre Rivière sera arrêté, jugé et condamné. Un fait divers à la fois tragique et banal qui tombera rapidement dans l'oubli. Mais dans les années 1970, le cas Pierre Rivière va ressurgir, exhumé par un philosophe qui alors étudie l'histoire des rapports entre psychiatrie et justice pénale, Michel Foucault. Si le célèbre professeur au Collège de France s'intéresse à Pierre Rivière, c'est que le jeune parricide en prison avait écrit son histoire. Ce texte d'une étonnante qualité littéraire, que Michel Foucault fera publier, deviendra un best-seller avant d'inspirer le théâtre et le cinéma. Un texte surgi du néant de l'histoire qui débute par ces mots terribles « Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère ». France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Philippe Artière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, au sein de l'IRIS. Alors vous vous situez, je crois, dans le sillage intellectuel de Michel Foucault et de l'historienne Michèle Perrot, une historienne qu'on a reçue plusieurs fois dans cette émission. Alors vous avez fait votre spécialité des archives, non pas celle des grands événements, des grands personnages, mais celle de la vie et des gens ordinaires, des sans-voix, en particulier les archives du crime et des prisons. Alors le cas Pierre Rivière en 1835, est-ce qu'il fait partie de ce que vous appelez le patrimoine noir ? Oui, il fait partie de ce patrimoine noir et je dirais qu'il l'inaugure d'une certaine manière, puisque Foucault est un des premiers à mettre à l'honneur ces textes qui sont pourtant très nombreux dans les archives départementales. Et ce texte de Rivière, Foucault le dit d'ailleurs, il n'est pas unique. C'est ce qu'on pourrait appeler l'extraordinaire ordinaire. C'est vraiment un texte qui est connu aussi parce qu'il a été publié très tôt par les médecins. Oui. Mais après, il a été oublié. Enfin, il a été, à l'époque, il a été effectivement publié. On a parlé du cas Pierre Rivière, surtout dans un niveau régional, en Normandie. Michel Foucault dit de ce texte, je cite, qu'il a été stupéfait par sa beauté. Et de Pierre Rivière, il dit, nous avons été subjugués par le parricide aux yeux roux. Et il précise même, quand même, malgré la terreur que lui inspire le criminel, il y a une espèce de fascination un peu étrange pour ce paysan illettré qui, malgré tout, il est illettré, il sait quand même lire et écrire un peu, mais il arrive à écrire un texte assez étonnant, quoi. Cet intérêt de Foucault, il faut l'historiciser. C'est-à-dire qu'on est juste après 68, on est dans ce moment particulier où cette question de la jeunesse est absolument centrale et de ce passage de ce que Daniel Fabre, qui a travaillé et écrit après Daniel Foucault, Fabre, ethnologue et anthropologue. Et anthropologue, oui, des masculinités. Il montre comment, en fait, ce texte est un texte aussi qui narre ce passage à l'âge d'homme. Et c'est peut-être ça qui a fasciné Foucault quand il dit « Nous avons été subjugués par la langue, certes, mais pas seulement par la langue, par cette articulation entre un geste, un crime, et une écriture ». Philippe Artière, qu'est-ce qu'on peut dire du contexte historique et même géographique dans lequel s'est déroulé ce crime ? Donc on est en 1835, c'est la monarchie de Juillet, on est dans le bocage normand. Oui, alors 1835, ce qui est important d'abord, et ce qui va vraiment compter dans l'affaire Rivière, c'est l'adoption du code pénal. c'est l'adoption d'un nouveau, enfin du et du code civil. C'est ce moment bien particulier où on va réguler, où on va réglementer les rapports, y compris les rapports familiaux. L'histoire de Pierre Rivière est liée aussi à Napoléon, puisque ses parents, donc son père, s'est marié avec celle qui allait devenir la mère de Pierre Rivière, parce qu'il fallait trouver un moyen de ne pas partir à la guerre, dans les grandes guerres napoléoniennes. Alors il y a ce contexte effectivement guerrier, puis il y a un contexte aussi très important, qui est le contexte rural. Évidemment, la France, au début du 19e siècle, à ce moment-là, Second Empire, c'est une France massivement rurale. Donc il n'y a pas d'étonnement, si vous voulez, il n'y a pas d'étonnement au fait que ça se passe à la campagne. Et l'histoire du 19e a beaucoup, s'est beaucoup focalisée sur Paris, sur les grandes villes. Mais l'essentiel des populations vivent dans les campagnes. Et c'est peut-être aussi ça qui intéresse nos intellectuels du début des années 70. C'est comme ça, ce texte qui sort de nulle part. Merci Philippe Artière. Je propose qu'on poursuive tout à l'heure cette discussion. Tout de suite, 1835, Pierre Rivière, paysan, parricide et écrivain. Un texte de Camille Azaïs, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation Christophe Hoquet. Aimé. Oui. Chante-moi le cantique, tu sais, le cantique que j'aime bien. Pourquoi ? J'ai envie de l'entendre. Tu es mon berger. 3 juin 1835, dans un hameau de la commune d'Aunay-sur-Odon, en Normandie. Un paysage vallonné, ponctué de fermes isolées, de petits bois et de vergers réchauffés par le soleil. Tu pleures. Pierre Rivière, décrit par tous comme un jeune homme étrange, différent, voire fou, s'apprête à commettre un crime effroyable. Vers midi, armé d'une serpe, il entre dans la maison de sa mère et frappe de multiples coups les trois personnes qui s'y trouvent. Sa mère, enceinte de 6 mois, sa sœur Victoire, 18 ans, et son frère Jules, un garçonnet de 7 ans. La chandelle ne vaut rien. Qu'est-ce que tu fais là, mon garçon ? Je viens de délivrer mon père de tous ses malheurs. Je sais que l'on me fera mourir, mais cela ne me fait rien. Je meurs pour leur rendre la paix et la liberté. Pierre, que se passe-t-il ? Prends soin de notre grand-mère, qu'elle n'aille pas se faire du mal. Quelle raison a pu pousser le jeune homme à commettre ces crimes ? A-t-il agi sous le coup de la folie ? C'est la question qui sera longuement débattue lors de son procès. Dans le dossier d'archives qui nous est parvenu, entre les rapports d'experts psychiatres et les témoignages du voisin, se trouve un étonnant document, un mémoire, écrit de la main même de l'assassin, décrivant toutes les circonstances qui l'ont poussé à accomplir son crime. Mère. Pauvre sœur. C'est cet écrit, devenu célèbre, qui a fait parvenir jusqu'à nous les détails de cette histoire. Pauvre petit frère. Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère, et voulant faire connaître quels sont les motifs qui m'ont porté à cette action, j'ai écrit dans ce mémoire toute la vie que mon père et ma mère ont menée ensemble pendant leur mariage. Après cela, je dirai comment je me suis résolue à commettre ce crime, ce que je pensais alors et quelle était mon intention. Je dirai aussi quelle était la vie que je menais parmi le monde. Je dirai ce qui se passa dans mon esprit après avoir fait cette action. je n'ai plus qu'une chose à faire. Écrire ce texte et puis mourir. Pour mon père. Il saura que j'ai fait ça pour lui. Pour lui rendre la liberté. Il perd un fils idiot, mais il gagne la liberté. J'ai fait ça pour lui. Enfin, je crois. Je l'espère. Mes pensées horribles ont pris le dessus. À un moment, je n'arrivais plus à les faire taire. J'avais une telle rage quand je les ai tués. Telle colère, j'ai fait ça pour mon père. Pour le sauver. Sans ça, c'est ma mère qui l'aurait tué. Faut pas que je pense au petit Jules. Ce pauvre garçon. Frappé si fort. Ils disent que je lui ai presque découpé la tête en deux. Je l'aimais pourtant. Je sais pas. Si je pense trop, j'ai mal à la tête. Il faut mourir le plus vite possible. Le mémoire de Pierre Rivière revient sur les origines du mauvais sort qui semble avoir frappé sa famille dès le mariage de ses parents. Pierre Margrin Rivière et Victoire Brion sont issus de deux villages voisins. Leur union avait été scellée à la va-vite en 1813. C'était en effet la seule solution pour le père de Pierre d'échapper à la conscription, c'est-à-dire de ne pas venir grossir les rangs de l'armée napoléonienne. Dès les premiers jours, le mariage s'était avéré malheureux. Victoire Brion refusa de venir habiter avec son mari, préférant rester sur ses terres avec ses parents à Courvaudon. Entre le mari et la femme, les choses s'envenimèrent très vite à la naissance de leur premier enfant, Pierre, issu de brèves rencontres lorsque le père Rivière venait s'occuper des terres de sa femme. Revenons quelques mois avant le crime. Nous sommes en juin 1834, et malgré les bonnes récoltes, la famille Rivière ne connaît que le malheur. La Normandie, comme toutes les régions rurales de France, vit alors au rythme des sociétés paysannes, un modèle quasi autarcique, fondé sur la polyculture, élevage et le petit artisanat. Rentre à la maison. Mais attends, pourquoi cours-tu comme ça? Je fuis le diable. Imbécile. Le diable est là. Ouh, fuyez, gentils agneaux. Mais attends-moi. Je suis plutôt ton ange gardien, regarde. T'as oublié ton déjeuner. Où vas-tu? À Courvaudon. Chez notre mère? Il y a des clôtures à faire. Et c'est toi qui t'en occupe? Faut bien que j'y aille moi-même, sinon elle va demander à quelqu'un de le faire pour elle. Il faudra payer. C'est papa qui t'envoie. Je préfère m'en occuper avant qu'il ne soit au courant. T'es un fils bien dévoué aujourd'hui. Quoi? Je croyais que tu voulais plus la voir. Ça, j'espère bien ne pas la croiser. Pierre, tu parles de notre mère. Si c'était à moi qu'elle avait affaire, il en irait autrement. Notre père est beaucoup trop patient avec cette folle. Si j'étais son mari... Et que ferais-tu, gros malin? Tu sais à peine te servir de tes 10 doigts. Tu crois ça? Tu verras un jour. Un jour quoi? Un jour. Les gens comprendront. Ils arrêteront de se moquer de moi. Pierre. Quoi? Pourquoi es-tu comme ça? Je veux dire, bizarre. Bizarre? Qu'est-ce que j'ai de bizarre? Tu parles tout seul, tu vois personne, tu passes tes journées dans les bois, à faire on sait quoi. Et toi? Tu me trouves bizarre aussi. Tout le monde te prend pour un fou dans le village. Ah, ils me prennent pour un fou. Eh ben, ils vont bien comprendre. De quoi parles-tu? Tu me fais peur quand tu fais comme ça. Je dis que je resterai pas toute ma vie à fouir la terre. Je ferai autre chose. Et que feras-tu? Je sais pas. Mais je ferai quelque chose. Sauverai d'ici. Ceux qui se moquent de moi, je les punirai. Je les fouetterai. Là. Et là. Arrête. Et lui. Et elle. Mais t'es vraiment fou. Oh, et fou. Arrête tout de suite. Ne me touche pas comme ça. Pourquoi es-tu fâchée? Je n'aime pas qu'on me touche. Surtout les femmes. Jamais une femme ne me touchera. Tu ne te marieras donc jamais? Jamais. plutôt mourir. Moi, j'espère bien me marier, avoir une maison ici, et des enfants, et des papas dans ces vieux jours. Être heureuse. Pas toi ? Non. Tu ne l'abandonneras pas au moins ? Non. Oh Pierre, si tu partais, qu'est-ce qu'on deviendrait sans toi ? On a besoin de ton aide, c'est trop dur de vivre ici. C'est trop triste. Dans son texte, Pierre Rivière fait preuve d'une mémoire hors du commun. Il décrit avec une précision chirurgicale la suite désolante des disputes entre ses parents autour de leurs biens et de la garde de leurs enfants. On y découvre l'enchaînement des événements qui ont conduit son père au bord de la ruine et du suicide en cette année 1834 où Pierre a fêté ses 19 ans. Il est l'aîné d'une fratrie de 6 enfants. Dès son plus jeune âge, il montre un très grand intérêt pour la lecture. Il lit tout ce qui lui tombe sous la main. Almanach, livres de catéchisme, récits d'histoire. À l'âge de 10 ans, son comportement change brutalement. Il devient alors ombrageux, solitaire et extrêmement opiniâtre. De l'avis de tous, il est impossible de raisonner avec lui et il a la fâcheuse habitude de vouloir faire des choses étranges, des choses que les jeunes hommes de son âge ne font pas ou plus. C'est à cette période-là qu'au village, on se met à le considérer comme un simple d'esprit. Pierre ! Pierre ! Pierre, tu m'entends, imbécile ? Quoi ? Fais avancer le cheval, s'il te plaît. Oui. On doit encore amener les sacs de grains à ta mère. Et elle a des clôtures abîmées, à ce qui paraît. Mais je l'ai fait, ça. Les clôtures ? Oui. Et quand est-ce que t'as fait ça ? Hier. Tu es sûr que c'est bon ? Oui, bien sûr. Ah, bon, d'accord. Très bien. Tiens, conduis. On y va. Pierre, tu viens ? Vas-tu m'écouter ? T'entends le pivert ? On n'en voit plus beaucoup cette année. C'est parce que les gens coupent les arbres morts. Faut bien se chauffer. Allez, viens. Et on a encore du foin à faire. J'aime pas le foin. Alors, il y a les poulets à tuer. Non, je hais les poules. Pourquoi tu hais les poules ? Elles me dégoûtent. Elles hurlent. Elles sentent mauvais. J'en ai horreur. Donc les foins. Allez, dépêche-toi, l'idiot. Oh, oh, oh, oh, passez vite ! Et la charrette, tu vas la casser, la charrette ! Pierre ! Je sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter un fils pareil. Une vraie bourrique. Et là ? Et celle-là, alors ? Des ennuis, toujours des ennuis. Depuis le début. J'espère que tu viens pour mes clôtures. Allons donc. Il n'a pas du tout réparé les clôtures, évidemment. Il va falloir que je m'en occupe. Voilà mon père qui lui dépose ses sacs. Du bon grain ramassé à la sueur de son front. C'est elle qui devrait lui en donner. Et elle qui ne fait que le traiter de voleur. Le grain, le bois, les labours. Combien est-ce qu'elle lui coûte à la fin ? Et qu'est-ce qu'elle lui rapporte ? Rien. Rien que des ennuis. La clôture, maintenant. Il va lui réparer sa clôture. C'était à moi de réparer cette clôture. Je voulais le faire, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Parce que je suis incapable de l'aider. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je ne sers à rien, moi non plus ? À chaque fois que je fais quelque chose, c'est encore pire. Et alors, mon grain ? Tu ne me l'as pas apporté ? Mais si, voilà. Si tu veux, je peux aller le vendre demain à Honnay. Non, surtout pas, non. Tu le vendras pas assez cher, j'irai moi-même. Comme tu voudras. Laisse-moi voir le petit Jules. Il veut plus te voir. Pourquoi l'empêches-tu de venir chez nous ? Je l'en empêche pas. Mais si, tu lui fais du chantage pour qu'il reste avec toi. Mais tu dis n'importe quoi. Jules a peur de toi. Tu crois pas que tu fais peur quand tu me menaces comme l'autre jour ? J'ai bien le droit de dire quelque chose. Tu me fais des dettes partout. Je peux pas les payer. Tu paieras puisque tu m'as tout pris. Je ne verserai plus un sou pour toi. Et ton laboureur qui est venu me demander un salaire hier, je ne le paierai pas. Je l'avais prévenu. Eh ben, tu te retrouveras au tribunal. Tu es devenue folle. Où est-ce que tu veux que je trouve tout cet argent ? Fais comme les autres. Demande à la banque. À la banque ? Mmh. Si tu continues, je serai obligé de vendre des terrains à cause de toi. Des enfants. T'as qu'à faire travailler ton imbécile de fils. Entends-tu ce que je te dis, pauvre vieille chouette? Tu me ruines. Et tu nous ruines tous avec ton comportement. Ne me parle pas comme ça. Hein, tu vas faire encore pleurer Jules. Allez, va-t'en. Va-t'en bien loin d'ici, va retrouver ta mère. Et n'oublie pas de m'apporter du foin demain. Hein. Tiens, Pierre, viens donc ici. Bonjour, mère. Tu peux aller me vendre ce sac de grains demain matin au nez? Oui, je peux. Et t'en tireras un bon prix? T'en demanderas combien? 5 francs. 5 francs. Espèce d'abruti, ça va pas? Combien alors? Au moins 6. Ou plus. Essaye un peu. Donne-toi du mal. Oui. Tu vas bien, mon grand garçon? T'aimes pas beaucoup le travail de la ferme, toi? Tu continues à lire tout ce qui te tombe sous la main? Oui. Je me demande bien ce que ça t'apporte de bon. J'aime bien lire. On m'a dit que tu faisais l'imbécile dans les bois toute la journée. Je fais pas l'imbécile. Bah alors, qu'est-ce que tu fais là-bas? Je regarde les oiseaux. Il serait pas temps que tu t'intéresses un peu à autre chose. Aux filles, par exemple. Non. T'es toujours un peu simplet, alors, hein? Tu peux dire à ton père qu'il a intérêt à payer le laboureur. Les disputes entre les parents ont morcelé la famille. Depuis l'âge de 6 ans, Pierre vit avec son père, sa grand-mère, sa sœur aimée et 2 frères. La mère, elle, a gardé la grande Victoire, dont elle est très proche, et le petit dernier, Jules. Pierre n'entretient presque plus de relations avec sa mère, qu'il déteste, tandis qu'il voue une admiration sans borne à son père. En juillet 1834, son frère Jean, âgé de 10 ans, contracte subitement une maladie indéterminée. La discorde familiale empire. Ne fais pas de bruit, il dort. Pauvre garçon. Il a quelque chose au cerveau, je sais pas. Le médecin est venu, il a dit que... Tu me dois 25 francs. Combien? 25, pour le mercier. Ah, d'accord. Écoute, je sais pas, tu veux pas rentrer voir Jean? Donne-moi d'abord l'argent. Il faudra que je paye le médecin et peut-être les obsèques. Et que veux-tu? Que je paye moi-même alors que je n'ai rien? Pendant que tu iras dépenser ton argent avec des putains. Oh. Merci. Votre fils est mourant, ma fille. Vous devriez avoir honte de parler comme ça. Veux-tu voir Jean ou pas? Pourquoi veux-tu que je le voie? Pour me rendre compte que tu ne sais pas t'en occuper? Cessez. Et tu fais mourir! L'enfant a besoin de calme. Si vous voulez vous disputer, allez dehors. Ce fils de putain fait périr mes enfants. Et vous le savez très bien, vous aussi. C'est vous qui les empoisonnez avec vos potions. Sortez d'ici. Mon enfant! J'aime mon enfant! Quel malheur. Mon enfant! Pauvre vieille tête perdue. Quel malheur, oui. Petit Jean, tu seras bientôt loin de tout ça, toi. Tu seras loin. C'est vous, ça suffit. Hé, Pierre! Tu t'enfuis, toi aussi? Poison. Putain. Horreur de femme. Sale folle. Voleuse, menteuse. Putain. Oui, putain. Je l'ai vue avec d'autres hommes. C'est elle, la putain. C'est elle qui trompe mon père. La sale race. La fille de putain. Elle va avec d'autres hommes. Et elle emporte le fruit. Je la hais. Je la hais depuis toujours. Je la hais avec ses cris. Avec ses insultes. Elle nous gâche la vie tout le temps. Même quand elle part, elle nous gâche la vie. Et quand elle est là, elle nous la gâche encore plus. Elle diffuse le mal autour d'elle, elle empoisonne l'air, elle mérite une vraie co... Oh. Un autre pivert. Un jeune. Il a une patte toute cassée. Viens ici. À la mort du petit Jean, Victoire Brion continue à accumuler les dettes dans le but avoué de nuire à son mari. Voyant qu'il sera bientôt acculé à la ruine, le père Rivière décide de s'emparer des biens de sa femme. Il vient par exemple saisir son unique vache lors d'un marché à Évrecy. La saisie vire à la bagarre devant les yeux ébahis et sans doute moqueurs des curieux. Suite à cet épisode humiliant, Victoire Brion consulte un juge de paix à Vire et demande une séparation. Celui-ci convoque mari et femme, les écoute, puis il rend sa décision. Elle retournera vivre sur le domaine de son mari, mais dans une maison à part où il n'aura pas le droit d'entrer. Il devra tout préparer pour dans 10 jours. Puis, le mari et la femme rentrent au village dans une même charrette. Tu te mettrais dans la maison d'en face ? Je l'aménagerai pour toi. Tout sera prêt. Je te mettrai tes meubles, tes bêtes. Et je viendrai les chercher. Et tu pourras venir manger avec nous quand tu veux. Comme ça, tu verras les enfants. Jules est attaché à nous deux, tu sais. Il est content quand on s'entend bien. On trouvera une manière de cohabiter. Je prendrai tout l'argent de la location de la maison et des terres à Courvaudon. Et si tu veux, comme ça, tu auras ta bourse à toi. Oh ! Oh ! Le comte m'a dit que le sarrasin était bon à moissonner. Il est prêt. On viendra faire ça demain, ouais. Avec Pierre. Je vous aiderai. On mettra bien tout ça à l'abri dans ta grange. Il faudra que tu me tues le cochon aussi. Faut le faire le dimanche si on veut avoir le temps de tout saler. Je viendrai dimanche alors, avant le déménagement. Et tu prendras un jambon pour les enfants ? On fera ça, oui. On fera ça. L'accalmie est de courte durée. Sitôt rentré de Vire, le père Rivière découvre sa vieille mère pleurant sur une lettre de dette arrivée entre-temps. Partout, Victoire Brion passe des commandes et fait envoyer la note à son mari. Quelques jours plus tard, toute la famille est réunie dans le verger pour la récolte des pommes que le père presse pour faire le cidre. Le sujet de la lettre de créance n'a pas encore été abordé. Autour de midi, la dispute éclate. Et je lui ai dit de se taire, de me payer pour les dentelles de mes filles. Parce qu'il ne voulait pas me payer au début. Il m'a entendu, celui-là. Je lui ai bien fait briller les tympans. Aimé, il te faudra un meilleur habit que ça. T'es grande maintenant. Ton père t'habille pas ou quoi ? Maintenant que j'habite ici, ça va changer. Oui, mère. Pierre, fais attention. Tu ramasses pas les bonnes pommes. Merde, celle-ci est pourrie. Sois un peu attentif au lieu de rêver. Il faudra aussi qu'on rachète une armoire pour mes affaires. Je sais plus où les mettre. Parce que j'en ai en plus. Ça suffit. Mais tu te tairas un peu. C'est à moi que tu parles ? Oui, à toi. Tu parles trop. Et tu dépenses trop. Eh ben, t'es bien agité tout d'un coup. Tu peux m'expliquer ce qu'il y a dans cette lettre ? Quelle lettre ? Je sais pas ce que c'est, ta lettre. Je m'en fiche. Regarde. Laisse-moi ramasser les pommes tranquilles. Regarde, je te dis. Rien que des dettes. 40 francs au Mercier de Hamar. 30 francs à Goffet. 10 francs à Victor Bourse. 10 francs à un cordonnier. 10 francs de messe. 17 francs à Sophie Rivière. 27 francs à Marianne Lecomte, etc., etc. Il y en a pour une fortune. Elle date de l'année dernière. Et il y en a encore plus cette année. Papa. C'est bien fait pour toi. Mais pourquoi es-tu comme ça avec moi ? Tu veux ma peau ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? T'as voulu que je vienne avec toi ? Et ben voilà. Mais tu as tout ici. Tu as ta famille, ta maison, ton argent. Tu n'es pas contente ? T'avais qu'à me laisser tranquille. Maman ! Toi, cesse de brailler. Mon Dieu. Il fallait me faire venir plus tôt quand il y avait encore Jean. Comme ça, il serait peut-être encore en vie. Oh, venez les enfants. Rentrez. J'irai voir le juge. Ne restez pas là. Et je lui dirai que tu me bats. Et toi, Pierre, vas-tu aussi me laisser t'en aller avec eux ? Non. T'es un coquin, je saurais te guérir. Qu'est-ce que tu dis ? Je dis que je te ferai sortir ces mauvaises idées de la tête. Imbécile, tu ne sers à rien et tout le monde souhaite ta mort. Coquin, imbécile, t'es un immonde pourceau. Je saurais te faire taire à coups de serpe s'il le faut. Malheureux, les choux. Tu as détruit tous les choux. Mais pourquoi tu fais ça, mon pauvre garçon ? Pour rien. Et que va dire ton père ? Mais tout est par terre. Misère. Je te demande pardon, ma mère. Mon pauvre Pierre, c'est pas ta faute. Tu n'y peux rien. Pourquoi est-ce que le bon Dieu est si dur avec nous ? Pierre enrage contre sa mère. En ce mois de juin 1835, il est convaincu qu'elle est enceinte d'un autre homme. Tandis qu'elle continue ses actions en justice pour obtenir une séparation, le père Rivière est la risée du village. Pierre s'en rend bien compte. Il écrit dans son mémoire « Ce sont les femmes qui commandent à présent. Ce beau siècle qui se dit siècle de lumière, cette nation qui semble avoir tant de goût pour la liberté et pour la gloire, obéit aux femmes. » De plus en plus, ses pensées tournent autour de modèles héroïques de personnages vengeurs qui offrent leur vie pour le bien des autres, sur le modèle du Christ. Lorsque la mère finit par se laisser embrasser ouvertement par le menuisier, Pierre prend sa décision. Désormais, il n'y a que le meurtre pour sauver son père. Attends un instant, Pierre. Ça va ? Il faut que je reprenne mon souffle. Je vais juste me reposer un peu. Si tu veux, je peux aller tout seul au village. Au village ? Oui, bien sûr. Papa ? Oui. Tu veux que je te laisse ? Et que j'aille seul au village ? Au village ? Mais pourquoi ? De quoi parles-tu ? Pourquoi ? Porter la récolte de notre mère ? À ta mère ? Ah, celle-là. Je vais te raccompagner, t'as pas l'air bien. Allez. Je vais très bien. Sauf quand tu me parles de ta mère. Pourquoi tu la corriges pas ? La corriger ? Qu'est-ce que tu connais du mariage, mon pauvre Pierre ? Elle t'humilie devant tout le monde. Elle te traite de lubrique, elle ment. C'est elle la traînée. C'est elle qui te trompe. Mais non ! Qu'est-ce que tu racontes ? Elle est enceinte. Enceinte ? Impossible. Mais pourquoi impossible ? Y a rien de plus possible au monde. Et de qui serait-elle donc enceinte ? Pas de moi. Bah ça, je vais te le dire. Du menuisier de Courvaudan. Du menuisier de... Mais non, non, ça se peut pas. Non, elle doit se mettre des chiffons sur le ventre pour qu'on la plaigne, pour obtenir sa séparation, non. Voir mon père abattu. Qu'est-ce que t'as ? Incapable de se défendre. C'est une putain ! C'est ce que je ne peux pas supporter. C'est trop. Tout ça est allé trop loin. Je vais agir. Enfin. Je vais servir à quelque chose. On me punira, mais tant pis. Je saurai me sacrifier pour le bien de mon père. Ma vie n'a pas d'importance. Je saurai mettre fin à son calvaire. Je le sauverai. Je mettrai mes beaux habits du dimanche et puis j'irai me rendre. J'irai proclamer que je meurs pour la noble cause. On ne me comprendra pas, mais c'est pas grave. Je dois juste pouvoir écrire la vérité. Je dois pouvoir la dire. Qu'est-ce que t'écris ? Rien. Mais si t'écrivais quelque chose, montre-moi. Non, surtout pas. Je te cherchais partout. Pourquoi tu te caches dans l'étable ? Pourquoi tu me cherchais ? Pour rien. Eh ben, laisse-moi tranquille, alors. Papa est bien malade. Hier, il est allé au champ et il s'est assis sur le talus sans rien faire tout l'après-midi. Quand on est venu le trouver, il savait plus l'heure qu'il était ni ce qu'il faisait. Tu crois qu'il va guérir ? Je sais pas. T'es si bizarre, Pierre. Je sais jamais si tu m'écoutes ou pas. Tout est bizarre. J'en peux plus. Je peux parler à personne. Personne m'écoute. C'est comme si j'existais pas. Toi, tu passes ton temps à rêver de t'en aller. Mais moi, je serais obligée de rester. Prospère. Il est handicapé, Jean est mort. J'ai personne à part toi. Et puis qui va s'occuper de toi si tu t'en vas ? T'oublies toujours tout. T'aimes pas travailler. T'arriveras jamais à gagner ta vie. Des fois, je pense que t'es pas fou du tout. T'es juste comme un enfant. Un enfant qui veut pas grandir. Pourquoi tu dis rien ? Dis-moi quelque chose. Aimer ? Oui. Si tu ouvrais mon cœur, Qu'est-ce que tu y verrais, d'après toi? Dans ton cœur? Je sais pas, Pierre. Si je te le disais, tu ne le croirais pas. De l'espoir? Aimer, si tu ouvrais mon cœur, tu y verrais que de la haine. Contre notre mère? Contre tout le monde. C'est pas vrai, Pierre. Tu aimes ton père, tu aimes ta famille. Je ressens tellement de haine, Aimé. Je sais pas quoi faire de toute cette haine. Qu'est-ce que je suis censée en faire? Je sais pas. Tu sais l'oiseau que j'ai recueilli l'autre jour? Tu te souviens? Non. Tu sais, le boiteux. Ah oui, le pivert. Je l'ai tué, Aimé. Quoi? Je l'ai cloué à un arbre, en plein milieu du ventre. Je l'ai regardé mourir. Pierre, tu me fais peur. C'est ainsi que le 3 juin 1835, Pierre passe à l'acte. Vers midi, alors que son père est au labour dans un champ, que sa grand-mère et Aimé sont occupés à traire les vaches, il entre dans la maison de sa mère, une serpe bien affûtée à la main. Là, il massacre les 3 personnes qui s'y trouvent. Sa mère, cause de tous ses malheurs, Victoire, sa grande sœur, car elle est du côté de sa mère, mais aussi le petit Jules. Pierre dira plus tard, à propos de ce garçon, qu'il avait choisi de le tuer parce qu'il aimait leur mère, et aussi parce que Pierre voulait inspirer de l'horreur à son père. Dans la logique démente qui est la sienne au moment du crime, Pierre pense en effet que son père n'aurait de cette manière pas de regret de perdre son fils aîné, coupable d'un acte aussi abject. Le meurtre le met dans un état d'exaltation extrême. Il a alors pour projet d'aller se présenter à Vire pour revendiquer un acte commis au nom de la justice. Mais très vite, son courage s'affaiblit et il se retrouve seul dans la forêt, définitivement exclu de la société des hommes. Je suis un monstre. Est-il possible que j'ai fait cela? Non, non, non, non, non. C'est qu'un rêve. Si la terre pouvait s'ouvrir sous mes pieds, m'engloutir. Ces bois que je connais par cœur. Jamais je n'aurais imaginé que je m'y retrouverais un jour dans cet état. Je suis maudit. Au ciel. Pourquoi m'avez-vous donné l'existence? Pourquoi me la conservez-vous encore plus longtemps? Son errance désespérée dure encore tout un mois. Il se nourrit dans la forêt de racines et de baies, parfois de crabes, quand il se rend à pied jusqu'à Port-en-Bessin. Le 2 juillet au matin, il est interpellé par un garde forestier qui remarque son attitude étrange et le conduit en prison. C'est là qu'il est interrogé sur les raisons de son acte. Pierre prétend avoir obéi aux ordres de Dieu. Mais bientôt, le besoin de dire la vérité le pousse à se confier au geôlier de sa cellule. Tiens, mon gars, ton petit déjeuner. Et tu manges pas, gamin? Faut prendre des forces avec si t'attends. Et bois-moi un peu d'eau, tiens. Tu sais, ils ont très envie de te garder en vie pour te faire passer aux aveux devant tout le monde. Je ne souhaite que la mort. Tu l'auras, mon vieux. Mais avant, il y a le procès. Tout le monde veut savoir pourquoi t'as fait ça. C'est Dieu qui me l'a commandé. Foutaise, tu m'as pas l'air d'un fou de Dieu. T'es même pas fou du tout, si tu veux mon avis. Moi, je pense que t'avais une sacrée bonne raison d'agir comme ça. Allez, allez, passe une bonne journée. Attendez. Quoi? J'ai des choses à dire. Je veux tout déclarer à mes juges. Je dirai la vérité. T'as changé d'avis? Oui. C'est bien, mon gars. C'est toujours mieux de partir en paix avec le Seigneur. Pierre Rivière est conduit devant le juge d'instruction. Il raconte alors, en un récit limpide, l'histoire de sa famille et de ses malheurs, décrit son crime, puis sa survie dans les bois. On lui présente du papier et une plume. Il consigne par écrit l'intégralité de son histoire, achevant ainsi son geste, comme si tuer et écrire ne faisaient qu'un. Et maintenant que j'ai fait connaître toute ma monstruosité et que toutes les explications de mon crime sont faites, j'attends le sort qui m'est destiné. Je connais l'article du code pénal à l'égard du parricide. Je l'accepte en expiation de mes fautes. Hélas, si je pouvais voir encore revivre les infortunés victimes de ma cruauté, s'il ne fallait pour cela qu'endurer tous les supplices possibles. Mais non, c'est inutile. Je ne puis faire que les suivre. Ainsi, j'attends donc la peine que je mérite et le jour qui doit mettre fin à tous mes ressentiments. En 1835, Pierre Rivière, paysan, parricide et écrivain de Camille Azaïs, avec Pierre Rivière, Dimitri Doré, le père Jean-Louis Couloc, la mère Émilie Incerti Formentini, la grand-mère Christine Pignet, Aimé Pauline Belle, le gardien de prison Philippe Bautier, prise de son montage et mixage Dophar Guéride, Marie Le Peintre et Bruno Mourlan, bruiteuse Sophie Bissans, assistante à la réalisation Anissa Zidna, réalisation Christophe Hoquet. Philippe Artière, nous avons donc laissé Pierre Rivière, qui a été finalement arrêté et interrogé après des mois d'errance dans les bois. Comment se fait-il qu'il n'ait pas été arrêté plus tôt ? C'est étonnant, cette errance. Bon, il a erré un mois. Hein. Ah oui, c'est ce quand même beaucoup. Ce qui est beaucoup pour nos yeux de femmes et d'hommes du 21e siècle. Ouais, parce qu'il y avait eu ce crime, tout le monde savait que c'était lui qui avait tué ces trois personnes. Oui, mais l'organisation de la gendarmerie, l'organisation, disons, des enquêtes n'est pas du tout la même en ce début de 19e siècle. Et par conséquent, y a beaucoup, oui, il y a des errants. Cette période-là, hein, ce moment où Rivière n'est pas arrêté, mais erre, elle correspond aussi à une sorte de retrait du monde, et ce qui est très intéressant, parce qu'on est quand même dans un monde extrêmement religieux. On l'entend au début de la fiction, de la fiction avec le cantique et les écrits, et même le rapport hein, à l'écriture sur lequel on reviendra. Il est évidemment très médié par cette place du religieux. Dans sa prison, à la demande du juge d'instruction, il a donc consigné par écrit son histoire pour donner les motivations de son crime, quand donc il a tué sa mère, sa sœur Victoire et son petit frère Jules, le 3 juin 1835. Il déclare connaître le sort qui lui est destiné, donc la peine en cas de parricide. Quelle est donc cette peine en 1835 ? Alors, en 1835, la peine est celle de la condamnation à mort. C'est le parricide, c'est le pire des crimes. C'est le pire des crimes. C'est un crime qui, jusqu'en 1832, est aussi doublé d'un supplice de l'ablation du poing droit. Poing droit, oui. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que ce que les historiennes et historiens du crime et de la justice montrent, c'est que il n'y a, à l'époque, majoritairement, des crimes contre les pères. Il n'y a que 30% à peu près de femmes, de mères qui se... Ce sont des fils qui tuent les pères. Et là, on est dans un cas inversé. On a donc ce fils qui tue sa mère pour défendre l'autorité paternelle, bafouée à ses yeux. Oui, ça c'est peut-être l'apport de cette fiction aussi, que d'appuyer sur ce point-là, qui n'a pas été tellement soulevé jusqu'à présent. C'est présent, puisque c'est une des... composante essentielle aussi du code pénal, hein. On le dit très peu, mais pas suffisamment. Mais le code pénal, il donne des droits aussi aux femmes. Oui. Il rééquilibre beaucoup de choses. Et là, le geste de Rivière, mais aussi sa voix, est une voix contre ce pouvoir des femmes. Oui, il le dit clairement. Il pense que les femmes ont pris trop de pouvoir et qu'il, lui, doit rétablir l'autorité de son père. Ouais. Autorité de son père, aussi la propriété de son père. Oui, parce qu'on est quand même dans des affaires de gros sous. Hein. C'est pas seulement la propriété du père, c'est la propriété aussi du fils aîné. en cas de succession, c'était le fils aîné qui héritait. Et ça, c'est remis en cause. D'où peut-être un autre niveau de lecture, hein, qui est à la fois le père et puis, d'une manière générale, la place des hommes dans cette société du premier 19e siècle. Donc Pierre Rivière, qui a tué donc sa mère, sa sœur et son frère, risque la peine de mort, mais rapidement se pose la question de son état mental. Est-ce qu'il existe en 1835 des circonstances atténuantes pour des raisons psychiatriques? Est-ce qu'il y a des experts psychiatriques comme on peut l'avoir aujourd'hui? Alors, le métier d'expert est un métier qui ne cesse de s'affiner tout au long du 19e. Mais il y a deux médecins qui sont immédiatement nommés par le juge d'instruction, qui sont l'un un officier de santé et l'autre un psychiatre, enfin un aliéniste de l'asile du Bon Sauveur à Caen, puisqu'on est dans le Calvados. Hein. Et Vastel, qui est ce second médecin, considère que Rivière est atteint d'aliénation, qu'il n'a pas agi librement. Tandis que l'autre médecin, et ça va être d'ailleurs un conflit, hein, et c'est pour ça que l'affaire Rivière est intéressante, c'est-à-dire il y a un conflit entre la médecine traditionnelle et puis ce savoir qui se constitue, sur lequel beaucoup de collègues ont travaillé, je pense notamment à Marc Renville et à tout un ensemble de gens qui ont travaillé sur ces questions-là et qui ont montré comment progressivement les aliénistes prennent aussi du pouvoir dans les tribunaux. Et les experts vont devenir, et l'expertise va devenir quelque chose de systématique, y compris d'ailleurs jusqu'à l'écriture de ces textes, comme ceux de Rivière. Alors d'abord condamné à mort, donc Pierre Rivière, in extremis en 1836, voit sa peine commuée en réclusion en perpétuité, une grâce du roi Louis-Philippe. Pour quelles raisons? Est-ce qu'il a été jugé irresponsable de ses actes, c'est ça? Alors j'ai recopié, pour être précis, exactement ce dont il est question dans la condamnation, c'est qu'il est considéré que les circonstances au milieu desquels le coupable s'est trouvé, ont pu fortement influencer sa raison, dont il n'a jamais joui entièrement. Quel rôle le fameux mémoire de Pierre Rivière a pu jouer dans la décision des juges? Ce texte portait en lui une lecture très ambivalente. Je vous propose, Philippe Artière, d'écouter Michel Foucault à ce sujet. Il est interviewé en 1976 pour France Culture par Paul Ajac, à l'occasion du tournage dans le Calvados du film de René Alliot, titré justement aussi « Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère ». Le fait qu'il n'ait conçu le meurtre de sa mère qu'en fonction de cette écriture a paru si bizarre que c'est un certain nombre de médecins et un certain nombre de gens de l'entourage de Rivière, en tout cas parmi les lettrés, parmi les notables, parmi les bourgeois, se sont dit « mais ce n'est pas normal, il y a là quelque chose qui est signé du signe de la folie ». Mais quand on regarde le mémoire, et quand les gens de l'époque ont lu ce mémoire de Rivière, ils l'ont trouvé si éblouissant d'intelligence, si bien écrit, si maîtrisé de bout en bout, donnant des preuves à la fois de lucidité, de mémoire, de présence d'esprit, de capacité d'analyse, tel que ils ont dit « mais ce n'est pas possible, Rivière n'est pas fou ». Et c'est parce que ce mémoire avait cette qualité et cette tenue que finalement on a récusé la folie et qu'il a été effectivement condamné à mort. Et puis après la condamnation à mort, on a dit « ah oui, mais tout de même ». C'était donc Michel Foucault, interviewé en 1976. Alors, le mémoire de Pierre Rivière prouve-t-il qu'il est fou ou au contraire, qu'il est, comme il écrit très bien, est-ce qu'il est rationnel et donc pas fou? Alors, vous savez que les historiennes et les historiens ne sont pas là pour juger, non, et pour rejuger l'histoire. Bien sûr. Mais ce qui est évident, c'est que... Ça trouble Michel Foucault, en tout cas. Oui, je ne vais pas en tout cas répéter ce que Foucault dit. Foucault est subjugué, mais les juges aussi, et les médecins aussi. Et c'est peut-être ce qu'on pourrait mettre en avant. Pierre Rivière est donc emprisonné, mais 5 ans après, il se suicide dans sa prison, il se pend. Comment expliquer cette fascination de Michel Foucault pour Pierre Rivière? Alors, il se pend, effectivement, il l'avait annoncé en 1840. Il l'avait annoncé dans son texte. Et c'est peut-être ça qui intéresse Foucault. Il y a une articulation très forte entre le passage à l'acte et l'écriture. Et il dit dans son texte, qui n'est pas seulement l'introduction. Il écrit un texte, il dit « Ce qui est fascinant chez Rivière, c'est qu'il est à la fois l'auteur d'un texte et l'auteur d'un crime. » Et il n'est pas pour autant un écrivain. Merci beaucoup Philippe Artière de nous avoir rappelé cette histoire. Merci Audrey Ripouille qui a réalisé l'émission, assistée de Frédéric Martin, à la technique Jérôme Ragano. Sur le sujet, on peut lire bien sûr le texte original « Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère », un cas de parricide au XIXe siècle présenté par Michel Foucault en collection Folio chez Gallimard. Et de vous, Philippe Artière, on peut lire « Riposte », un livre collectif d'archives de lutte 1970-1974 lié à l'exposition du même nom actuellement sur le campus de l'Université de Nanterre. Autant d'emporter l'histoire est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site radiofrance.fr où j'attends comme toujours avec impatience vos commentaires. Dimanche prochain, changement d'ambiance, nous parlerons d'une femme extraordinaire du début du XXe siècle, Madeleine Pelletier, la première femme médecin psychiatre en France, socialiste, anarchiste, franc-maçonne. Cette féministe aux cheveux courts et qui s'habillait en homme revendiquait un féminisme très en avance sur son temps. Madeleine Pelletier, une féministe intégrale. C'est dimanche prochain à 21h sur Inter.